France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Nous avions quitté Kurt Weill, le compositeur de l'opéra de Katsu, la semaine dernière à Paris. Hué. Le public français s'était soudain retourné contre lui alors qu'il l'accueillait avec enthousiasme un an plus tôt. Mais non, là on critiquait, je cite, « l'invasion judéo-allemande, des attaques anti-allemandes et antisémites ». Kurt Weill reprend sa valise, direction New York, où il va poursuivre avec toujours autant d'intelligence et d'engagement son souhait de créer du théâtre musical populaire qui éveille le peuple. C'est la seconde partie de notre émission Kurt Weill de Berlin à Broadway, 120 ans après la naissance de Kurt Weill. Bonjour à tous. Jenny made her mind up when she was three. She herself was going to trim the Christmas tree. Christmas Eve, she lit the candles, tossed the tapers away. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. She lost one daddy, mother, a sister and a brother, but she would make up her mind. Jenny made her mind up when she was 12 that in the foreign languages she would delve. But at 17 to master it was quite a blow, that in 27 languages she couldn't say no. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. To Jenny I'm beholden, her heart was big and golden, but she would make up her mind. Jenny made her mind up at 22 to get herself a husband was the thing to do. She got herself all dolled up in her satin and furs, and she got herself a husband, but he wasn't hers. Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. Deserved a bed of roses, but history discloses that she would make up her mind. At 51, she would write her memoirs before she was done. The very day her book was published, history relates, there were wives who shot their husbands in some 33 states. Jenny made her mind up at 75. She would live to be the oldest woman alive. But gin and rum and destiny play funny tricks, and poor Jenny kicked the bucket at 76. Jenny points the moral with which you had a quarrel, makes a lot of common sense. Jenny and your saga prove that you are gaga if you don't keep sitting on the fence. Story point the way to glory to all men and womankind. Anyone with vision comes to this decision. Don't make up, you shouldn't make up, you mustn't make up or never make up. Don't make up your on the night. En 1942, Kurt Weill est installé depuis 7 ans aux États-Unis. Il participe à l'effort de guerre en créant des chansons de propagande au sein de ce qu'on appelle les Lunch Hour Follies. Il est fervent du théâtre russe de l'agitprop, un théâtre politique pour le peuple, mélange de propagande et d'agitation. Et il écrit de toute évidence, la victoire dépendait autant de l'esprit des combattants en bleu de travail que des combattants en uniforme. Il faut distraire les ouvriers de la fatigue et de l'ennui et il invente un spectacle informel de variété dans un chantier naval à Brooklyn. Kurt Weill poursuit, ce fut l'un des moments les plus excitants de ma carrière théâtrale, quand à midi, 4000 hommes regardaient le spectacle en mangeant leur sandwich. Une dizaine de chansons sur des textes de poètes ou de dramaturges, comme à l'instant Buddy on the Night Shift, une invitation à garder le moral à son poste de travail, sur des paroles de Oscar Hammerstein, le dramaturge de La Mélodie du Bonheur, ici interprété par Teresa Stratas. Et puis auparavant, c'était Don Upshaw et l'un des airs les plus populaires de Kurt Weill dans une comédie musicale américaine audacieuse, signée Kurt Weill en 1941, Lady in the Dark, une comédie musicale autour de la psychanalyse. Kurt Weill avait quitté l'Allemagne nazie le 21 mars 1933 pour la France. Il arrive à New York le 10 septembre 1935. Tout ne s'est donc pas passé comme prévu en France. Fin 1933, par exemple, après les sifflets reçus au théâtre, il quitte Paris pour Louveciennes, près de Saint-Germain-en-Laye. Il se sent à l'aise pour composer, concevoir de nouvelles œuvres et il imagine par exemple une opérette qu'il veut à la fois hommage à la spiritualité de Jacques Offenbach, qu'il adore, hommage à l'opérette anglaise de Gilbert et Sullivan, et puis bien sûr, il y injecte des questions sociales et politiques qui lui tiennent à cœur. Une opérette donc pacifiste, anti-dictature, une sorte de satire du militarisme. L'histoire se déroule sur une île des Caraïbes. Un marchand d'armes tente de dresser l'une contre l'autre deux républiques voisines qui vivent jusqu'ici en paix. À coup de propagande, il réussit à envenimer les choses entre les deux pays, mais tout se finira au mieux lorsque les armes s'avéreront trop vétustes pour faire la guerre. Kurt Weill pastiche notamment les grandes opérettes viennoises de Franz Lehár et Richard Strauss à la fin du premier acte. La pièce s'intitule « Coup Engel ». Elle est finalement créée à Londres en juin 1935 sous le titre « Un royaume pour une vache, A King for a Cow ». Der Herr Admiral, der Herr Kardinal und der Präsident vom Tribunal, seine Exzellenz, seine Eminenz, seine Magnifizenz und der Gouverneur der Residenz, der Herr Intendant, der Herr Adjutant, der Herr Fabrikant und der Herr Dechant und der Herr Rendant, der Herr Redakteur, der Herr Kontrolleur, der Herr Kommandant und die Frau Äbtissin vom Sacré-Cœur. Toy La première pièce de théâtre musical que crée Kurt Weill à Broadway a aussi un esprit pacifiste. C'était le final de Johnny Johnson, l'histoire amère d'un soldat parti à la guerre et qui à son retour découvre que sa petite amie l'a quitté pour un autre. Un parapluie de Cherbourg avant l'heure, c'était Daniel Wilkinson, When Man Was Created, avec le Otare Pit Band dirigé par Joel Cohen, une pièce créée à Broadway le 19 novembre 1936. À New York, en fait, personne n'attend Kurt Weill vraiment. Il est surtout connu par le milieu musical. Il avait rencontré Aaron Copland en Europe, ainsi que les frères Gershwin lors de leur tournée européenne à Berlin. Eh bien, il va renouer le contact avec George Gershwin, qui l'emmène exactement à cette période dans les coulisses de la création de Porgy and Bess, qui va lui donner des idées. Il va aussi se mettre en contact avec une jeune compagnie de théâtre qui travaille avec de nombreux auteurs engagés. Mais d'abord, Kurt Weill met la touche finale à La Route éternelle, une sorte de fusion d'opéra, d'oratorio et de péplum sur un thème d'actualité, l'exil du peuple juif. Une œuvre montée au Manhattan Opera House, une œuvre en quatre parties qui débute dans une synagogue où des juifs se réfugient une nuit de pogrom. Alors l'histoire de La Route éternelle mélange des épisodes de la Bible et des moments de l'histoire des juifs avant la Seconde Guerre mondiale. À la fin, la destruction du temple de Jérusalem et la déportation de ceux qui se cachent ne font plus qu'un, tandis que le désespoir d'un peuple dispersé est contrebalancé par une voix messianique qui parle de l'espoir de la délivrance des Juifs vers Sion. Un spectacle qui connaît un grand succès, dont voici un extrait, le début du deuxième acte, qui plonge en Égypte à l'époque de Moïse. Moïse et sa sœur aînée Myriam, l'orchestre symphonique et le chœur de la radio de Berlin, dirigé par Gerhard Schwarz. Barbara Rerich et James Maddalena. But it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September. And I have lost one tooth, and I walk a little lame, and I haven't got time for the waiting game. And the days turn to gold as they grow few, September, November. And these few golden days I'd spend with you, these golden days I'd spend with you. When you meet with the young men early in spring, they court you in song and rhyme, they woo you with words and a clover ring. But if you examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing, and a plentiful waste of time of day, a plentiful waste of time. But it's a long, long while from May to December. Will the clover ring last till you reach September? And I'm not quite equipped for the waiting game, but I have a little money and I have a little fame. And the days dwindle down to a precious few, September, November. And these few precious days I'd spend with you, these precious days I'd spend with you. Mais la plus grande partie de l'œuvre de Kurt Weill aux États-Unis, ça sera bien pour Broadway, toujours en essayant d'élever le public. Un instant, extrait de Knickerbocker Holiday en 1938, le lancinant September Song, interprété par Walter Huston, qui incarne le héros de l'histoire, Peter Stuyvesant, l'homme qui fonda New York, comme il est écrit sur les paquets de cigarettes. Une chanson autour du temps qui passe et de l'amour qui peut se faner. Il ne faut pas attendre pour se marier, il ne faut pas attendre le mois de septembre. Knickerbocker Holiday, c'est une farce autour de la création de New York, une farce très américaine où on voit clairement un gouverneur corrompu contre lequel s'élève un jeune Américain téméraire, une fable politique dans la lignée de l'opéra de Katsu. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Avec un texte signé cette fois par quelqu'un qui a reçu le prix Pulitzer, Maxwell Anderson. Parce qu'après Brecht, Kurt Weill va travailler avec ces jeunes dramaturges engagés et poètes aux États-Unis. Kurt Weill écrit « Toute une jeune génération de dramaturges américains commence à s'intéresser au théâtre non réaliste ». Il écrit toujours Kurt Weill, Maxwell Anderson trouve dans le drame en vers la possibilité de moderniser la forme shakespearienne. Paul Green crée un genre de pièces populaires lyrico-épiques. Clifford Odets fonde ses études sociales sur une écriture poétique. Et un grand nombre de jeunes écrivains tentent à se dégager de la forme théâtrale de ces dernières décennies. Dramaturges et poètes deviennent une seule et même personne. Eh bien, Kurt Weill va travailler avec chacun de ces poètes dont il parle, mais aussi avec un écrivain humoristique comme Sidney Joseph Perelman. C'est avec lui qu'il développe en 1943 la comédie musicale qui connaîtra le plus grand succès, One Touch of Venus, un pastiche de la vie de banlieue américaine, une œuvre satirique sur une petite ville moyenne autour d'une statue qui prend vie et trouble le destin d'un jeune homme à la veille de ses fiançailles. Il y a de magnifiques ballades dans One Touch of Venus, comme ce West Wind, le vent de l'ouest, qu'interprète le directeur du musée en parlant d'un amour perdu. Je vous propose de l'écouter, ce morceau, lancinant, dans la voix de Kurt Weill. I had a love and my love was fair, fair as a summer storm. I lost my love, I never knew where. Suddenly she was gone. The west wind stirred the meadow. The night she slipped away, and I seem to glimpse her shadow. When the west wind brushes the day, west wind, can you waken my true? West wind, can you whisper in new love? Speak to her softly of the dream we lost, the theme we lost, the gleam we lost. West wind, can you call back an old love? West wind, can you kindle a cold love? West wind, can the magic of then become out once again? Breathe on the embers, if by chance he remembers, then someday at last we can recapture the past. At night, when everything is quiet, this old house seems to breathe a sigh. Sometimes I hear a neighbor snoring. Sometimes I hear a baby cry. Sometimes I hear a staircase creaking. Sometimes a distant telephone. Then the quiet settles down again. The house and I are all alone. Lonely house, lonely me. Funny, with so many neighbors, how lonely it can be. So lonely with all these folks around. I guess there must be something I don't comprehend. Sparrows have companions, even stray dogs find a friend. Night for me is not romantic. Unhook the stars and take them down. Kurzweil est à New York et il s'intègre bien à cette nouvelle terre. D'ailleurs, il refuse désormais de parler allemand. Il veut parler tout le temps anglais avec tout le monde. Ici, rien n'est pareil. Le théâtre est purement commercial. Il n'y a pas d'aide publique. Il faut donc vraiment toucher le public, pour le coup, avec ses œuvres. Eh bien, il y arrivera. Lady in the Dark, une comédie musicale sur le thème de la psychanalyse, tiendra à l'affiche un an. Knickerbocker Holiday, 6 mois. Johnny Johnson, 2 mois. Mais il est vrai aussi que Kurzweil est largement influencé par Porgy and Bess de George Gershwin. Et Kurzweil continue de vouloir forger une brèche dans l'opéra américain. Sa tentative la plus proche, ça sera Street Scene en 1947, dont on vient entendre un premier extrait dans la voix de sa muse, la muse, la compagne de Kurzweil, qui l'accompagne de l'autre côté de l'Atlantique, Lotte Lenya. Ici, c'était un premier extrait intitulé Lonely House. En 1947, Kurzweil écrit la pièce qui dit il représente l'apogée de mes efforts. On peut le dire, c'est son Porgy and Bess. Toujours attentif au fait que ses œuvres théâtrales soient accessibles, il souhaite que cette œuvre, Street Scene, un hymne au cosmopolitisme, qui raconte la vie de voisinage, qui raconte le melting pot à New York, il souhaite que cette œuvre soit moins chantée que Porgy and Bess. Il écrit « En écoutant Porgy and Bess, j'ai découvert que le théâtre américain s'orientait vers cette forme plus intégrée de comédie musicale que nous venions d'expérimenter en Europe. » Et il poursuit la seule erreur de cet opéra, Porgy and Bess, consistait à vouloir tout dire en musique. Eh bien, dans Street Scene, il y aura 75% de musique dans mon histoire et 25% de dialogue. Comme l'explique l'auteur Pascal Huyn dans son livre Kurzweil ou La conquête des masses, Kurzweil présente cette œuvre en fait comme une synthèse dramatico-musicale qui s'inscrit dans la tradition déjà abondamment célébrée de Carmen, la flûte enchantée, et du Freischütz. Street Scene aura droit à 148 représentations dans le circuit commercial de Broadway. Voici un des moments les plus lyriques. Un vendeur de glace dans une rue de New York où il fait une chaleur torride. L'orchestre de l'Opéra d'Écosse sous la direction de John Mochary. Chicken hash, you can get potato mash, you can get some squash, but I want succotash. Succotash! Succotash! pillow. Ah, tortoni! Ah, scumoni! And chocolate! It's compliment! Pineapple and pecan! And strawberry maple walnuts! The gift of the gods to the man! And how about the sodas and the banana splits? What's the name? Wichita, Little Rock, Butte, and Spokane. I've seen them all, mister. I've heard their noisy hum. You know them all, mister. When you're a bum, wherever I go, I listen and I hear the lonely tune of the frantic, lonely millions trying hard to buy the moon. And I've heard a song of harvest from the green and copper hills, where the copper turns to pennies and the green to dollar bills. Yes, I've heard them all, mister, but I can't go sing them back, for I sing another song along the track. I sing a song about the ocean, sing of how endless is the ocean, sing of however near the shore and sea, and that's how true love should ever be. I sing a song about the snowfall, sing of how gentle is the snowfall, sing of how pure the snow on every tree, and that's how true love should ever be. I've sung my song on a plane with the wind and the rain about me. I've sung it high to a cloud and the people who crowd along. I sing a song about forever. Only a song about forever. Sing of how empty hearts forever long, but nobody listens to my song. Hear me, I only sing a love song. Hear me, I only sing a love song. Sing of how when it dies the world turns gray, but nobody hears Kurt Weill travaille aussi avec des paroliers habitués à Broadway comme Ira Gershwin, avec qui il écrit Lady in the Dark autour de la psychanalyse, et Alan J. Lerner, l'auteur de Un Américain à Paris, avec qui il écrit Love Life en 1948, une étude sur le mariage sur 150 ans. Le principe, un couple en 1792 qu'on voit évoluer sans vieillir à travers l'arrivée de la révolution industrielle jusqu'aux villes ultra-modernes et pleines de solitude où l'on peut divorcer sans peine. Une œuvre dans laquelle Kurt Weill s'est amusé puisque l'histoire se déroule sur 150 ans, appuisée dans tous les styles musicaux. Ici, c'était un extrait, Love Song, interprété par Jerry Orbach. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Tout ce que touche Kurt Weill à Broadway n'est pas transformé en or. Il connaît un fiasco avec The Firebrand of Florence, qui reste un seul mois à l'affiche, une opérette située à Florence durant la Renaissance. Louis Carlyle, Sing Me Not a Ballad, des paroles signées Ira Gershwin. I am not like Circe, who showed men no mercy. Men are most important in my life. Venus, Cleo, Psyche are melodies in my key. They knew how to live the high life. Gallantry I find archaic. Poetry I find prosaic. Give me the man who's strong and silent, inarticulate but violent. Sing me not a ballad, send me not a sonnet. I require no ballad, rhyme and time. Your size, duel me no duels, and please don't vocalize. Romance me no romances, treasure not my glove, spare me your advance. Just make love, spare me your advances. Just, oh, just make love. Who do you write to, Uncle Stephen? To the mother at home. Oh, can I say this to the mother, O Tico, that I cannot bring him home, that he will perhaps never, never come home. But Uncle Stephen, you are an Unfundis, and you can ask God to help you, and he will surely help you. I don't know, Alex. Before Lord God made the sea and the land, he held all the stars in the palm of his hand, and they ran through his fingers like grains of sand, and one little star fell alone. And the Lord God hunted through the the wild night air, for the little dark star on the wind down there. And he stated and promised he'd take special care, so it wouldn't get lost again. Now a man don't mind if the stars grow dim and the clouds blow over and darken him, so long as the Lord God's watching over them, keeping track how it all goes on. But I've been walking through the night and the day, till my eyes get weary and my head turns gray. And sometimes it seems maybe God's gone away, forgetting his promise that we heard him say. And we're lost out here in the stars, little stars, big stars, blowing through the night. And we're lost out here in the stars, little stars, big stars, blowing through the night. And we're lost, and we're lost, and we're lost, and we're lost out here in the stars. Une comédie musicale, une œuvre sur l'apartheid en Afrique du Sud, les persécutions contre la population noire, c'est le thème de la dernière comédie musicale de Kurt Weill. En 1949, à Broadway, le fils meurtrier d'un pasteur condamné à mort et la chanson du père qui prit les étoiles, Lost in the Stars. Il n'est pas innocent que le rôle, ce rôle de pasteur qu'on vient d'entendre, a été créé par Todd Duncan, qui avait créé le rôle de Porgy dans Porgy and Bess 14 ans plus tôt. Kurt Weill croyait au théâtre musical et a pavé le chemin vers d'autres compositeurs à venir, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim notamment. Voici ce qu'il écrivait, cité par Pascal Huyn dans son ouvrage Kurt Weill ou La conquête des masses. Kurt Weill qui parle. Je suis convaincu que de nombreux compositeurs modernes ont un complexe de supériorité vis-à-vis de leur public. Schoenberg, par exemple, a déclaré qu'il écrivait pour les 50 ans à venir. Mais les grands compositeurs classiques ont écrit pour le public de leur époque. Ils voulaient que leurs auditeurs les comprennent, et c'était le cas. En ce qui me concerne, j'écris pour le temps présent. Je me moque d'écrire pour la postérité. Et je n'ai en aucun cas le sentiment de souiller mon intégrité de musicien en écrivant pour le théâtre, la radio, le cinéma ou n'importe quel autre média. Je n'ai jamais reconnu la différence entre musique légère et musique sérieuse. Il n'y a que la bonne et la mauvaise musique. Une dernière fois, on écoute la voix, la mélancolie, les rythmes lancinants de Kurt Weill. When you speak love, how summer day withers away, too soon, speak low. When you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we are swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I feel. Wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We are late, darling, we are late. The curtain descends, everything ends too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and Kurt Weill, Speak Low. Sur la page de 42e rue, vous retrouverez la programmation musicale de cette émission. La première création de la saison en matière de comédie musicale est inattendue et pop. On la doit à un collectif dénommé Catastrophe, déjà auteur d'un premier album en 2017. Il se présentait à l'époque comme si moins de 30 ans, ni désabusé, je cite, ni cynique, et prenait déjà une révolution discrète. Leur pop est chorale, acidulée et terrestre. Eh bien, ils créent, jeudi et vendredi, au 104 à Paris, leur première comédie musicale, Gong, autour de 6 sentiments incarné par chaque membre, l'inquiétude, le rire, la foi, le regard, la colère, l'ennui. Seul, en tête à tête dans une salle, il se pose une question à laquelle il tente de répondre en musique, danse et texte. Comment arrêter le temps? Nous recevrons deux des membres de Catastrophe dans quelques semaines. Ils choisiront la programmation musicale de l'émission. Mais voici déjà un extrait que vous avez peut-être entendu cet été. Extrait de cette comédie musicale et de leur nouvel album qui sort le 20 septembre. Encore. Par le collectif Catastrophe, une comédie musicale à découvrir au 104 et bientôt en tournée en France. On vous en reparlera bientôt. Sur la page de 42e rue, vous retrouverez la programmation musicale de l'émission. N'hésitez pas à réécouter notre série d'été, La grande histoire des comédies musicales, ou à vous abonner à d'autres podcasts. On se retrouve la semaine prochaine en direct du Carreau du Temple pour notre premier cabaret 42e rue de la saison avec la troupe et l'orchestre des Frivolités parisiennes qui nous offriront de larges extraits de leur nouvelle production de Normandie, l'opérette de Paul Misraki. Alors je sais que les places places sont épuisées sur Internet. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à venir le jour même. Il reste toujours des places disponibles. Une émission en public réalisée, bien sûr, dans les règles sanitaires nécessaires. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation Céline Parfenoff. Très bon dimanche. Dans un instant, vous retrouverez Marina Chiche. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.